Directement du mois de janvier 2003. Bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la fantastique discothèque de C'est fou depuis ses débuts le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est la semaine du 17 au 23 janvier 2003. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels Geronimo, Yann Perrault, Les Ghouls, Le Porcupine Tree, The Donnas et Archive. Donc, une belle heure de nostalgie pour nos auditeurs de longue date et des découvertes pour les nouveaux. On commence comme toujours avec notre top 3 franco et le top 3 anglo. Du côté anglophone, tout à l'heure, ça va être Archive avec Mion sur leur album You All Look The Same To Me. Mais on débute avec Yann Perrault. Voici On m'a oublié sur Western Romance. C'était fou au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Devant le fonctionnaire, une femme abandonnée à l'orée du climax. La chanson terminée, on rabala le sax. On m'a oublié. Le perroquet fané dans le backstore du pet shop. Les amoureux cernés dans un champ de cheap rock. Le client dans le pub inversant son destin. Les passagers du tube à 5h du matin. On m'a oublié. Le poupon rêvassant près de l'étang chimique. Une abstraction du sang sur l'écran cathodique. Le patron du réel qui switch à Pepsi. Le kid dans la ruelle entre les mains d'un psy. La pluie sur Andromède, l'horizon dans une craque. Le barrage qui cède dans une époque opaque. Un noir sous la loi du Yankee. Au fond de l'univers, un arc-en-ciel kaki. La gogo obligée même quand la place est vide. Android naufragé au pied de l'Andenelle. Comme l'âme d'un chien sucé par la main. On m'a oublié. On m'a oublié. On m'a oublié. On m'a oublié. Numéro 3. this, baby. Thoughtless, baby. Thoughtless, baby. Archive et la pièce Me On en position numéro 3 de la semaine du 17 au 23 janvier 2003 à C'était Fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. L'album d'Archive s'appelle You All Look the Same to Me. 12 pièces, hein, vous l'aurez remarqué, c'est devenu un petit peu plate par contre après ça. Genre après cet album-là, le groupe est devenu plate. Qu'on me dit, selon les fans. Ça a fait époque assez fou. C'était prisé par pas mal d'animateurs ici même. Avant, du côté francophone, c'était Yann Perrault. Francon, j'ai dit vraiment Francon. Yann Perrault avec On m'a oublié, position numéro 3 franco sur l'album Western Romance. Chanson un petit peu oubliée, hein, comme le dit le titre, On m'a oublié. Chanson oubliée comparée au succès de Yann Perrault. C'est pas sa plus mémorable. On va passer au numéro 2 maintenant. Du côté anglophone, c'est Porcupine Tree avec Gravity Eyelids sur l'album In Absentia. Et on va commencer avec Geronimo sur l'album Un monde sans moi. Voici Ma femme me trompe. Vous écoutez C'était fou au 89.1 FM. C'est fou. Mais je tiens bon. Je me fais traiter de tous les noms et je tiens bon. Je souris même si je suis triste. Je ne fais que suivre le troupeau à travers les prairies où les trains passent de plus en plus vite. Je tiens bon. J'avais pourtant consenti à faire de gros efforts, arrêter de boire et de fumer. Moins de foot à la télé, attentif avec les animaux. Désormais, je laisse les araignées en vie. Je soupçonne que ma femme me trompe, mais je tiens bon. Je me fais traiter de tous les noms et je tiens bon. Je souris même si je suis triste. Je ne fais que suivre le troupeau à travers les prairies où les trains passent de plus en plus vite. Je tiens bon. J'avais pourtant consenti à faire de gros efforts, aller manger du gâteau chez mes beaux-parents tous les dimanches après-midi, même si je n'ai absolument rien à leur dire. Je suis sûr que ma femme me trompe, mais je tiens bon. Je me fais traiter de tous les noms et je tiens bon. Je souris même si je suis triste. Je ne fais que suivre le troupeau à travers les prairies où les trains passent de plus en plus vite. Je tiens bon. Je suis sûr que ma femme me trompe, mais je tiens bon. Je me fais traiter de tous les noms et je tiens bon. Je souris même si je suis triste. Je ne fais que suivre le troupeau à travers les prairies où les trains passent de plus en plus vite. Je tiens bon, je tiens bon. Tu es sûr que ta femme te trompe, mais tu tiens bon. Tu te fais traiter de tous les noms et tu tiens bon. Tu souris même si tu es triste. Tu ne fais que suivre le troupeau à travers les prairies où les trains passent de plus en plus vite. Tu tiens bon, tu tiens bon. Numéro 2. Watch my breathing slow, winding me up to Porcupine Tree et Gravity Eyelids en position numéro 2 pour la semaine du 17 au 23 janvier 2003. Ici, à C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Porcupine Tree, les fans, bien des fans disent que c'est le meilleur album et que c'était près de leur sommet artistique, ça, In Absentia. La pièce était tirée de cet album-là. Et puis, c'est un groupe qui a de plus en plus de fans. Avant ça, du côté franco, c'était Geronimo avec Ma femme me trompe. Une pièce électro-rock, c'est français. Et ça parle d'un cocu impuissant, pathétique. Hein? Bon. On est rendu position numéro 1. Du côté anglo, c'est The Donnas qu'on va l'entendre à l'instant avec Take It Off sur l'album Spend the Night. Et suivra Les Ghouls avec Kill du côté francophone. Vous êtes à C'était fou au 89.1 FM. croyez qui est derrière les attentats du World Trade Center? Est-ce que c'est Vladimir Malakhov? Non! Mordecai Richler? Non plus! Et derrière toutes ces épidémies et ces cartels de drogue un peu louches en Arizona, hein? Qui est derrière? Tony Bennett? Non! Corey Hart? Non plus! Monsieur Kiel. T'entends trop de planeurs. Il n'y a personne, il n'y a que Kiel. Qui sourcit de nulle part, qui s'installe au comptoir et Kiel. Que regarde sans broncher, sans parler, sans bouger. Kiel semble très perturbé. Il semble prêt à tuer, mais Kiel n'en est pas un méchant. C'est un joyeux durant. Monsieur Kiel est amour, il est sérénité. Monsieur Kiel mange des gaufres, il est coquin aussi. Monsieur Kiel est ami, c'est un frère adoré. C'est un mari fidèle, il est toujours gentil. Monsieur Kiel est la joie, il a fait un carré. Mais Kiel, quand tu es dans son âme, il ne veut pas parler au Kiel. Te regarde sans broncher, il a les yeux en sang. Et Kiel remue seulement ses mains, qu'il cache derrière son dos au Kiel. Bâtir dans une hache, un rasoir, un couteau. Mais Kiel, non, non, n'est pas comme ça. Il aime les animaux, les monstres des bignoux et les colimaçons. Monsieur Kiel joue au cri, c'est un sacré joueur. Il est mon camarade, il connaît les fromages. C'est un fin bricoleur, un hardi voyageur. Il a tout vu, tout fait, monsieur Kiel est bonheur. Mais Kiel a refermé le piège. Et tu sais qu'il le sait, Kiel. C'est de qui, c'est qu'il sait. Que tu peux plus t'en aller, Kiel. Soudain devient nerveux. Il plonge sa main dans sa poche, Kiel. Qu'a-t-il donc dans sa poche? Il sort sa main et monsieur Kiel avec un portefeuille. Il te montre ses photos de ses enfants jolis et de sa femme aussi. Il te montre son permis, là encore tous ses points. Il te montre son bulletin, il avait des bonnes notes. Il te montre sa famille, tout ce joyeux connard. Il te montre son jardin, il te montre son boulin. Il te montre son boulin. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais supporter d'ailleurs des ghouls. On s'attend bien qu'on ait qu'une seule pièce à faire jouer. Les ghouls avec le morceau Kill sur l'album Les Ghouls. C'était numéro 1 la semaine du 17 au 23 janvier 2003. Du côté francophone, évidemment. C'est sur leur premier album de ce groupe défunt, Les Ghouls. C'était rempli de références à 2003, cette chanson-là. Et on en parlera tout à l'heure avec Nicolas Ducharme en deuxième partie d'émission. On a précédé ça des Donnas avec Take It Off et l'album Spend the Night. Petit groupe de filles de Donnas, bien apprécié. Ça, sur un disque, comment j'ai écrit? Fructueux. Fructueux. J'écris tout à mes mots de croche. Fructueux, comme dans il y a eu beaucoup d'extraits, et puis ça a beaucoup marché ici à C'est Fou. C'est clair, ça. Hein? Voilà, c'est la fin de la première partie d'émission. On se retrouve tantôt avec d'autres pièces des top 10 francophones et top 15 anglophones. Et Nicolas Ducharme avec ses éphémérides de l'année 2003. Alors, restez avec nous à C'est Fou. C'est fou dans vos oreilles. 89. Bon, retour, c'est la deuxième partie de C'était fou, l'émission qui rembobine C'est fou, et à chaque semaine, on se choisit une semaine parmi la discographie complète, le box 7. De C'est fou, et là c'est la semaine du 17 au 23 février 2003. On met ça sur pause par contre, la semaine en cours, pour parler de l'année en général. Et là j'ai Nicolas Ducharme avec moi. Oui. De C'est fou, notre collaborateur spécial de toute occasion, mettons. Ouais, ben normalement c'est sport, mais là je me détache. Là. J'ajoute des arcs à. Non, des flèches à mes arcs. Des, voyons, oui, c'est ça. Des arcs à tes pieds, mettons. Ouais, voyons, c'est quoi? Des cordes à mon arc. Cordes à ton arc. Merci. Comme Zelda. Comme Zelda. Tirer des petites flèches, hein? Ouais, mais il y avait un boomerang aussi. Ouais, il y avait. Ah, ça, c'est des petites bombes. Ben, le miroir. C'est un peu violent. Et ne tue pas de poule. Transporte-les, fais ce que tu veux avec, botte-les. Botte-les, mais tue pas, parce que si tu tues une poule, toutes les poules vont t'attaquer. Là, on parle bien sûr de Zelda, A Link to the Past, et les Super Nintendo. Là. Bien sûr, ben le meilleur, je pense, des Zelda. Ouais, selon je suis pas mal sûr que oui aussi. De la profondeur! Donc, on parle de l'année 2003. Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi, en 2003? Ben écoute, j'ai juste choisi quelques petites choses à travers l'année, là, puis je vais vous dire ce qui s'est passé. Tout d'abord, le 1er février, la désintégration de la navette spatiale Columbia durant son vol de retour. Tous les membres d'équipage ont péri dans ce drame. C'est un moment tragique, vraiment, que certains ont réussi à rendre encore plus tragique avec la vente de morceaux de la fusée sur eBay. Oh. Ça avait été assez moyen. Ouais. 20 mars, début des bombardements aériens des États-Unis et du Royaume-Uni sur l'Irak. 9 avril, le régime de Saddam Hussein en Irak tombe après 24 ans d'oppression dictatoriale prise du pouvoir par les États-Unis. Donc, mission accomplie. Donc, victoire. Hein? C'est ça qui est le fun. Oui. C'est que, tu sais, ça s'est fait vite. Puis, on en entend plus parler maintenant de la guerre d'Irak. Hein? Comme un clignement des yeux. Ah, ça gagne. Puis, ça vient à cette heure. L'Irak, c'est des papillons. Puis, du parfum un peu partout. Ouais, en fait, bien. Les papillons naissent tous là-bas. C'est connu que les papillons sont originaires d'Irak. Ouais. Et même le 17 septembre de cette même année, le président Bush avait reconnu qu'il n'y avait pas de lien entre Saddam Hussein et les attentats du 11 septembre. Donc, bien beau travail là, du côté des États-Unis sur celle-là. Good job. Hey, le 13 avril, les automobilistes peuvent désormais virer à droite au feu rouge, sauf lorsqu'une indication leur est interdite. Mm-hmm. Félicitations au gouvernement de reconnaître que le peuple québécois est capable de regarder s'il y a une voiture qui s'en vient dans sa travée. On se sent maintenant comme des adultes, tout le monde. Puis c'est plate, hein, parce que des interdictions, il y en a partout en plus. Donc, pas juste à Montréal. Montréal, on n'a toujours pas le droit de tourner à droite. 20 avril, Wilfred Leboutillier remporte le Grand Prix de Star Academy 2003. Toute une carrière pour le jeune Leboutillier. Encore la victoire, émission accomplie là aussi. Écoute, pour le Québec au complet. Quel artiste, Wilfred Levide Boutillier. 25 mai, Les Invasions Barbares reçoit à Cannes le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation féminine pour Marie-Josée Croze. Un film québécois que tout le monde va se souvenir. 2 juin, première du film Mambo Italiano, un film que personne ne va se souvenir. 26 octobre, Isabelle Boulay et Sylvain Cossette sont les interprètes de... T'as vu, j'ai mis un peu de musique à travers tout ça. Oui, ben je vois ça, j'apprécie l'art, les cultures. Isabelle Boulay et Sylvain Cossette sont les interprètes de l'année au 26e gala de la disque. Ariane Moffat, de son côté, les révélations de l'année. Et les artistes de Star Academy remportent 2 Félix, dont celui du meilleur vendeur. Puis après ça, il y a encore des gens qui vont me dire que les prix de la disque, les Félix, ça veut dire quelque chose. Oui! Par rapport de ça, ben écoute, 12 décembre, Paul Martin succède à Jean Chrétien comme premier ministre du Canada. Mm-hmm. On sait que le règne de Paul Martin a été aussi long et aussi fructueux que la durée de vie d'un popsicle à 30 degrés Celsius en plein milieu de l'été. Tout aussi sucré et collant aussi. Sucré et collant, tu peux y aller comme ça. Moi, je trouve pas Paul Martin nécessairement sucré. Non. Pour ce qui est le collant, je le connais pas personnellement. Non, il a pas collé longtemps. Oh! C'est vrai? Hey. Il a collé longtemps. Donc, écoute, c'est ce que j'avais trouvé là, pour l'année 2003 là, à travers tout ça. Ça n'a pas été une grosse année, honnêtement. Non, vraiment, c'est pas la plus grosse. Ben, je veux dire, 2001, on avait le 11 septembre, oui. Tout ça. 2002, des Olympiques. 2004, des Olympiques. 2003, plus soft comme année. D'ailleurs, le NHL 2003, t'as pas un grand succès non plus. Pas le meilleur sur la liste. Ah, oh, EDP, tant qu'à moi, NHL 2003, ça n'a pas été un succès. Entre 2002 et 2004, les années paires. Mais là... Là, je dévie, là, je retourne vers mon sujet du sport, mais EA Sports, le dernier de NHL 2011, félicitations, c'est assez tough à battre comme qualité de jeu. C'est assez solide. Ouais. Sur la meilleure console, toutes les consoles. Dans le temps, c'était pas sur toutes les consoles, tu sais. Ouais. Ouais. 2003, ouais. Ouais. 2003, ben, ordinateur. Ouais. Ben, peut-être pas sur. C'était quoi, GameCube? Je pense qu'il était sur GameCube aussi. À Star, c'est Xbox, PlayStation, parce que la Wii a son propre jeu. De famille, familial, avec un bateau de hockey, puis Wayne Gretzky qui a l'air mal à l'aise dans une annonce à la télévision. C'est bizarre, hein? Sur la couverture du jeu aussi, elle a l'air bizarre. Mais Gretzky, c'est pas... Tu te rappelles-tu des annonces qu'il faisait pour Ford? Non. Le Rocky Balboa les avait parodié un peu, puis Wayne parlait français. OK. Hey, si tu vlogs, Jace, si tu veux, Ford Kinda, tu es fier de dire qu'il est sur les... Si tu vois, Grassider. On comprenait pas de A jusqu'à Z ce qu'il disait. Et RBO, on avait fait une parodie vraiment géniale où est-ce qu'il prenait la même annonce 3 fois, mais il changeait le logo. Là. C'était Ford la première, c'était mettons McDonald's la deuxième, puis la troisième, c'était Si tu vois, Grassider. C'était la compagnie qui commanditait le tout. Donc, j'adore ça. Mais Rocky Balboa, c'est Rocky Balboa, hein? C'est à l'époque où Guy Lepage se prenait pas pour quelqu'un d'autre. Bon. Quoi? Ah, ben, t'as le droit, c'est ton éditorial, c'est ta section opinion. Ma section, Guillaume Lepage, je prends pour quelqu'un d'autre, point okay. final, là. C'est connu. Et si Guillaume Lepage rencontrait Guillaume Lepage de l'époque avec RBO, RBO écœurait Guillaume Lepage assez ouais. solide, merci, là. Mmh. Il est probablement devenu ce qu'il sait dans le temps. Donc, c'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Hein. Oui, on peut commencer, surtout dans le monde de la musique, il y en a plusieurs. Hein? Oui, c'est ça. Et j'espère qu'à la radio, toi, tu te prendras pas pour un autre, là. Ah non, j'ai pas de raison de me prendre pour un autre. Non. OK. Est-ce que tu te trouves pas toi-même? C'était de l'autodérision, hein? Ben non, mais je veux dire, j'ai pas de raison. Je suis correct. Okay. Tu sais, je ne me vois pas comme supérieur à ce que je suis. Je me vois comme correct comme je crois être. Là. Réaliste. Je sais pas, là. Tu me demandes de faire une autopsie ouais. moi-même, là, on dirait. Couche-toi. Là. Ouais, je vais me coucher. Trouve-moi 3-4 scalpels. M'a trouvé ce quoi de trouble avec moi, puis on va y revenir. Mais là, je parle de ma vie sur les ondes publiques, là. C'était le livre ouvert, Nicolas Ducharme. Si vous voulez porter plainte au CRTC, n'hésitez pas. Ouais. Allez vous mettre amis avec les parleurs assez fous et avec C'est fou 89.1 FM. Et puis Nick va vous filer des petites blagues à mon sujet. L'as-tu aimé ça d'aujourd'hui? Ouais, c'est pas pire. T'as-tu vu ce que j'ai rajouté ouais, à ouais, ouais, hein? ouais, ouais. Espèce de bête sanguinaire sans humour et capable de livrer de nul à Chuck Norris. Ouais, telle une panthère. Telle une panthère. Ouais, on n'a pas l'air d'utiliser une panthère, c'est copyright chose. Quoi? Copyright panthère. Là. Ah, l'autre radio panthère. Faut trouver notre propre animal, nous autres. La radio qui est radio avec une radio de France, là. Oui, c'est ça. C'est ah, ça. Ouais, c'est ça. Ça leur a apporté beaucoup. Ouais. Ouais. En tout cas. On n'est pas ultime dans notre façon de faire non plus. On parle pas des. Ok, bon, là, on commençait à faire des blagues un petit peu trop personnelles sur des gens un petit peu trop personnellement associés avec ces radios-là. On va s'affirmer. Non, mais moi, je veux pas du nom, là. Non, non plus. C'est juste qu'on n'est pas ultime dans notre façon de faire. Non. Bon. C'est ce qu'on s'est fait confirmer, là. Ouais, parce qu'il y a une seule ultime, le reste, c'est en dessous. On est en tout. On est en tout. On baisse la barre un peu, et puis là, c'est fou. Ouais. Bon. Merci beaucoup, Nicolas Ducharme. Ça fait plaisir. À la prochaine. Oui. Vous êtes toujours à C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Notre prochain bloc est composé de Morcheeba, du côté anglophone, avec la position numéro 7. C'est Slow Down. On débute avec Venus 3. Et tout à l'heure, on va réentendre Venus 3 parce qu'ils ont deux pièces dans les tops de cette semaine du 17 au 23 janvier 2003. Les voici pour l'instant avec Si tu rêves. Sur la terre. Vénus 3 et la pièce Eleanor Rigby, une petite pièce inconnue d'un groupe obscur, les Beatles, une pièce très souvent reprise des Beatles. Avant ça, on a entendu la formation Morcheeba avec une pièce trip up un peu slow down sur l'album Charango. Et on a débuté avec la malheureusement défunte formation Vénus 3 encore, hein, parce qu'on venait d'entendre Vénus 3 avec Eleanor Rigby en anglo. Et ils étaient en franco en cinquième avec Si tu rêves sur l'album Sur quelle planète. En fait, les deux pièces viennent de cet album-là. Et c'est dommage que Vénus 3 soit mort parce que c'était vraiment très très bon. Rapidement, il nous reste très peu de temps à l'émission. On va aller entendre une pièce d'OK Go sur leur deuxième album, OK Go. C'était leur premier album, excuse-moi. OK Go. Oui, le deuxième, c'était Oh No. Pourquoi pas. Donc, OK Go et You're So Damn Hot tout de suite en 13e position anglophone pour la semaine du 17 au 23 janvier 2003. I saw you sliding out the bar. I saw you slipping out the back door, baby. Don't even try and fight a line. This time is fine, darling, you're still divine. You don't love me at all. But don't think that it bothers me at all. You're bad-hearted, boy, try to face it all. But you're so damn hot. Yeah, you're so damn hot. So damn hot. Yeah, you're so damn hot. So now you're headed to your car. You say it's dinner with your sister, sweetie. But darling, look at how you dress. Your best suggests another kind of guest. You don't love me at all. But don't think that it bothers me at all. You're so damn hot. Yeah, you're so damn hot. Well, you're so damn hot. Yeah, you're so damn hot. This other guy you got, which other rooms are riding hush, hush, sugar. I could have swore you said before, no more for sure what I believe you for. You don't love me at all, but don't think that it bothers me at all. You're bad hearted, but try to fake it all. But you're so damn hot. You're so damn hot. Well, you're so damn hot. You don't love me at all. But don't think that it bothers me at all. You're bad hearted, boy, try to fake it all. But you're so damn hot. Well, you're so damn hot. OK Go et la pièce You're So Damn Hot pour son numéro 13 anglophone pour la semaine du 17 au 23 janvier 2003. Et c'est tout pour cette édition de C'était Fou. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, ou comme vous le voulez, peut-être demain, peut-être tantôt, avec une autre semaine choisie au hasard. Si là, vous pouvez retrouver les noms, les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche. Je remercie Nicolas Ducharme pour sa chronique d'éphémérite de 2003. Moi, je m'appelle Mathieu Plante et je vous rappelle, c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était Fou que ça l'est plus. Hein? On se quitte avec Galaxy 500, les anciens Galaxy, maintenant, c'est comme ça que ça s'appelle, avec la pièce Patinoire, c'était une nouvelle entrée en 9e place sur leur album homonyme. Et à la prochaine, bye bye.